Chapitre 11e. Drôle de dimanche. Il était midi et demi. Les quatre amis déjeunèrent sur le pouce pour pouvoir se remettre au travail rapidement. Quelques olives, une poignée de châtaignes, une grosse tranche de pain tartiné de fromage calmèrent leur faim, le tout arrosé d'eau claire. Les deux femmes racontèrent l'incident du marché. Anicet fit les gros yeux à Manon. « Je vais bientôt m'inquiéter, » se récria-t-il. « Quand tu commences à chercher Noise, pense à moi qui me fais du souci pour toi. Je ne tiens pas à te faire délivrer toi aussi. Cet après-midi, je préfère que tu restes à l'atelier. » « Ouh, mais dis donc, mon ami, tu comptes me cloîtrer. Tu étais plus accommodant quand j'étais avec Corentin. C'est normal. Maintenant, c'est moi qui suis responsable de toi et plus Corentin. » Manon mit les poings sur ses hanches en signe de défi. Mais dit, je suis assez grande pour être responsable de moi-même. Je n'ai pas besoin de chaperon. » « Elle a raison, » affirma Armande en riant. « Bon, d'accord, » reconnut Anicet. « Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, mamie. Les temps sont troubles. » « Il a raison, » appuya Corentin, pour faire le pendant à Armande. Le différend se termina par des rires. Mais Anicet était tout de même soucieux. Il repensait ce qu'avait dit Hyacinthe la veille. Il valait mieux être prudent, et particulièrement cette semaine. Il fut donc décidé que les femmes se tiendraient à l'écart de toute manifestation ou incident. Elles acceptèrent à condition que les hommes, quant à eux, ne leur fassent pas faire des cheveux blancs. Puis Anicet raconta la fin de la matinée chez Jeanne, écoutée attentivement par Corentin, dont la mine s'éclairait au fur et à mesure du récit. « Si elle tient ses promesses, je devrais être à l'abri définitivement, » conclut Corentin. « Oui, mais... » commença Armande, n'osant continuer. « Eh bien dis, mais quoi ? Si les Morel sont arrêtés et déballent toute leur histoire, on risque de se retrouver au point de départ, » expliqua Armande. « Et qu'ils crèvent, cela !» s'emporta Corentin. « Sans avoir parlé, surtout, » précisa Manon. « On devrait peut-être se renseigner pour savoir ce qu'ils sont devenus, » proposa Anicet. En attendant, il fallait songer à gagner son pain. Pour un artisan, pas de travail, pas d'argent. Chacun regagna donc son atelier. En traversant la rue, Corentin eut l'impression de percevoir des rumeurs lointaines, mais c'était peut-être les diableries du Mistral. Vers 15 heures, on frappa au carreau d'Anicet. Il reconnut Béranger, un charron du faubourg, membre éminent du club des Amis de la Constitution. « Oh, comment va? Qu'est-ce qui t'amène ?»« Humbert, je viens vous prévenir, Gassin et toi, que nous aurons une réunion extraordinaire dimanche matin. La présence de tous les frères est requise. » Ce terme de frère dont les membres se gratifiaient choquait toujours un peu Anicet. Lui, qui n'avait pas eu de famille, ne reconnaissait comme frère que Corentin. Les autres étaient des connaissances, des membres, des collègues. Mais si la communion des opinions politiques et la foi dans le même idéal soudaient les liens, pour Anicet, il n'y entrait pas l'affection que supposait le terme de vraie fraternité. « En principe, dit Béranger, la réunion aura lieu le matin, mais de toute façon je passerai vous chercher, Corentin et toi. » Le reste de la semaine, la tension de la ville alla croissante. Les membres des clubs qui le pouvaient déambulaient dans la ville, à l'affût du moindre incident suspect, épiant les conversations, vérifiant le port de la cocarde, suspectant tout le monde. Les soldats de la garde nationale patrouillaient en tenue, sabres clairs et pistolets à la ceinture, prêts à intervenir en cas d'alarme. Pourquoi tant de défiance pour une poignée d'aristos qui devaient se réunir? C'est que les bruits les plus fous circulaient, affolant la population de la ville. Corentin avait entendu dire que Guiramant avait promis que le sang coulerait. Il avait même laissé entendre que la vie des administrateurs serait bientôt attaquée. Une femme avait aussi affirmé que la ville serait bientôt à feu et à sang. D'autres certifiaient que, venant d'Italie, via Nice, des renforts allaient parvenir aux réfractaires. La municipalité avait été informée que des réunions se tenaient vers 7 heures du soir, chez un ami de Pascalis, réunions auxquelles assistaient des gens connus comme anticonstitutionnels et des officiers du Lyonnais. Ce régiment, dont certains officiers fréquentaient assidûment le café Guyon, était fortement suspecté de servir de première force d'intervention dans la contre-révolution à venir. Tout ceci, allié à la difficulté des autorités à gouverner, aux incertitudes sur l'avenir de la ville et de la nation, contribuait au climat de tension et à l'angoisse des Aixois. Le jeudi, Jeanne se rendit au poste de la garde nationale après s'être fait rappeler ses promesses par Hyacinthe. « Voilà, bredouilla-t-elle, je viens témoigner de quelque chose. »« Parle, citoyenne, et sois brève, nous n'avons guère de temps, » répondit l'officier de garde. « Tu es bien la citoyenne Jeanne Larieux, femme de feu Octave Larieux, assassinée sur la voie publique. » Après avoir acquiescé, Jeanne expliqua alors ce qui avait été décidé avec Hyacinthe et Anicet pour disculper Corentin. Elle exhiba même la bourse contenant 3 écus. L'officier se mit soudain en colère. « Crois-tu, citoyenne, que nous n'ayons rien d'autre à faire présentement que de s'occuper de querelles de boutiquiers ?» Le citoyen Gassin était relâché par ordre du vice-maire. Alors qu'as-tu à venir m'importuner avec cette histoire ? Mais c'est pour vous prouver que Corentin Gassin est innocent de ce dont il est accusé. Mais il n'accusait de rien, Nièce, puisqu'il est libre. D'ailleurs, ton mari était un gibier de potence. Allez, Oust, va t'occuper d'autre chose. On la raccompagna sans ménagement à la grille de la cour où elle se trouva fort déconfite. Eh bien, Farne, si j'avais su, je ne me serais pas tant dérangé. Sans attendre, elle alla rendre compte à Hyacinthe de sa visite à l'officier. Elle aura pu le faire auprès d'Anicet qui habitait juste en face. Néanmoins, Hyacinthe avait sa préférence car il gardait l'espoir de le prendre dans ses filets. Pour cela, avec les écus de son mari, elle s'était acheté une nouvelle jupe d'un beau velours vert et un châle au crochet de même couleur qui lui donnait l'allure d'une bourgeoise. Après s'être rincé la bouche avec un jus de citron mêlé d'anis et mis quelques gouttes de lavandin dans ses cheveux, elle frappa à l'échoppe du cordonnier. Hyacinthe lui fit signe d'entrer et, malgré sa méfiance, remarqua qu'elle avait quelque chose de changé. Il ne fut guère rassuré du récit que lui fit Jeanne, ce qui déçut un peu cette dernière. Ça aurait été mieux s'il avait pris ta déposition. Ce que tu as dit ou des paroles dans le vent, c'est pareil. Imagine qu'il se fasse tuer ou qu'il soit déplacé, cet officier. Que vaudra ton témoignage ? Je m'en rends bien compte, Hyacinthe, mais que voulais-tu que je fasse ? Je n'allais tout de même pas me mettre en colère ou lui mettre la plume dans la main. Tu ne m'en veux pas, dis, j'ai fait ce que tu voulais. Oui, c'est vrai, reconnut Hyacinthe, espérant que nous en avons terminé avec cette affaire. Tu veux boire un coup, Jeanne ? Non, fit-elle, jouant la coquette. Je me suis aperçu que cela me gâtait le teint. Ou alors un peu d'eau, peut-être ? Hyacinthe lui versa un grand verre d'eau claire en pensant que Jeanne s'achetait une conduite. En portant le verre devant elle, il remarqua qu'elle sentait bon, pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Que mijote-t-elle ? Se dit-il. Aurait-elle un galant ? Mais il était trop préoccupé par la situation actuelle pour comprendre qu'il était peut-être la cause de ce changement. Le dimanche après-midi, vers 3 heures, Béranger fut fidèle au rendez-vous. Il venait chercher Anicet et Corentin. « Allez, ne soyons pas en retard, » dit-il. « Je vais prévenir Gassin qu'il pourra venir plus tard. Tous les deux, nous faisons partie d'une délégation auprès des frères antipolitiques. Ce n'est pas ce matin que tu devais venir ?» Oui, mais finalement, la réunion a lieu maintenant. Ce matin, ils ont attendu d'avoir le plus d'informations possible. Et puis, on ne savait pas si la situation n'allait pas éclater avant qu'on ait le temps de se réunir. Les deux hommes se dirigèrent bientôt d'un bon pas vers la rue des Bernardines. Ils descendirent la rue des Orfèvres. En chemin, rue Grande-Saint-Esprit, Anicette tenta de s'informer auprès de Béranger sur l'ordre du jour de la réunion. « Toi et moi faisons partie des délégués avec quelques autres » pour sceller une union avec les antipolitiques. La municipalité n'a finalement pas interdit la création du club monarchiste. Je m'attendais à ce qu'il fasse preuve de plus d'autorité, et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont autorisé. Je crains le pire, citoyen. Écoute, Humbert, nous verrons bien comment les choses tournent. Les deux hommes arrivèrent place des Augustins et remontèrent la rue de la Couronne pour s'engager enfin dans la rue des Bernardines, siège des antipolitiques. Une demi-heure plus tard, Corentin se rendait à la chapelle du Collège Bourbon, siège des Amis de la Constitution. La réunion n'avait pas commencé, mais la salle était pleine. Les murs réverbéraient un brouhaha fait d'apostrophes, de bruits de chaises et de rires étouffés. Enfin, de furieux coups de maillet retentirent. Le président venait de prendre place dans la chaire qui servait de tribune. Le silence se fit presque immédiatement. Toutes les têtes étaient levées dans l'attente d'une déclaration. Citoyens, mes frères, l'heure est grave. « Vous savez que tout à l'heure, le club des monarchiques va inaugurer sa première séance, je ne sais pas où d'ailleurs. »« Au café Guyon, » dit une voix. « Non, » précisa le président, « le local est trop petit. En outre, les pénitents des Carmes leur ont refusé leur chapelle. Mais peu importe, qu'on ne m'interrompe pas. » Nul n'ignore que les membres sont des royalistes ou des ennemis de la Constitution, bref, des hommes auxquels tout nous oppose. Il convient de décider d'une position commune vis-à-vis de cette association qui menace notre idéal et nos convictions. À cet effet, j'ai envoyé des frères en députation vers les antipolitiques pour coordonner nos actions et resserrer notre alliance. Nous attendons leur retour d'un moment à l'autre. La question pendante avait bien évidemment échauffé les cervelles depuis quelques jours. Malgré la discipline qui régnait habituellement dans le club, tout le monde voulut parler en même temps. Le président eut toutes les peines du monde à faire respecter le règlement du club. Corentin réussit à obtenir enfin la parole, à la surprise générale car il ne la prenait jamais. « Frère président, sait-on assurer d'abord qu'il n'y a pas d'espions parmi nous, susceptibles de renseigner nos ennemis ?» Cette question, somme toute légitime, causa une flambée de réactions bruyantes et suspicieuses, les membres s'entre-dévisageant pour tenter d'apercevoir des inconnus. Tâche difficile, parmi une marée de chapeaux, puisque personne ne se découvrait en un tel lieu. Le président réussit enfin à placer un mot. « La porte latérale est fermée à clé, et vous avez vu que des frères de garde vérifient les identités à l'entrée. Frère Gasson n'a rien à craindre de ce côté-là. » Au moment où le calme revenu, les membres attendaient la suite, des coups sonores furent frappés à la porte. Les frères de garde s'étant enquis des visiteurs, l'un d'eux vint parler à l'oreille du président. Tout le monde gardait le silence, suspendu à ses lèvres. Après un coup de maillet, il déclara, d'un ton solennel, « Frères citoyens, les vénérables frères antipolitiques nous ont envoyé à leur tour une députation. Elle est à notre porte. » L'assemblée poussa un « ah » de satisfaction. Les députés furent introduits dans la chapelle avec grande cérémonie. Après en avoir conféré avec le président, l'un des délégués monta en chaire pour s'adresser aux membres du club. Anicet se faufila pour aller s'asseoir à côté de Corentin, qu'il avait repéré à la couleur de son catogan. « Frères citoyens, vous n'ignorez pas que notre club des vénérables frères antipolitiques lutte pour le même idéal que le vôtre. Nous nous battons pour défendre la Constitution et voir le triomphe de la liberté, de la fraternité et de l'égalité entre les hommes. » Quelques approbations bruyantes le stoppèrent dans son envolée. Excellent orateur, il étendit les bras dans un geste autoritaire d'apaisement. Il attendit que le silence se fasse pour reprendre son discours. Voilà plusieurs jours que nous avions projeté ce rapprochement avec votre société, mais vous nous avez brûlé la politesse. Aujourd'hui, il nous a semblé que, plus que jamais, nous ne pouvions plus différer ce que j'appellerais une union sacrée. Notre chef, l'abbé Rive, nous a donc dépêchés vers vous pour que nous prenions ensemble le serment solennel de défendre notre idéal jusqu'à notre dernière goutte de sang. L'heure est grave, mes frères. Ne permettons pas que les ennemis du dedans et du dehors viennent abattre l'édifice précieux que nous construisons. Il fut une pause, mais cette fois, les assistants gardèrent le silence. L'allusion à la gravité de l'heure avait ramené le sérieux et le recueillement. Il poursuivit en utilisant, à chaque membre de phrase, ses bras tels un chef d'orchestre. « Citoyens, mes frères, unissons-nous pour faire triompher notre idéal et abattre tous ceux qui s'y opposent. Jurons de nous sacrifier pour la nation. Le jurez-vous, mes frères ?» Le président des Amis de la Constitution encouragea la réponse de ses membres en levant ses bras vers le ciel. « Le jurez-vous ?» répéta le député. « Nous le jurons, vive l'Union sacrée, vive la patrie, vive la nation !» rugirent tous les membres, chauffés à blanc. Quelques chapeaux volèrent et des hurrahs retentirent. Certains n'hésitaient pas à se donner de solides accolades fraternelles. Profitant du tumulte, Anicet glissa à Corentin, après lui avoir donné un coup de coude. « L'abbé Rive nous a achetés à bon compte. Nous voilà maintenant avec une chaîne aux pieds. » Va-t-il falloir donner quitus à tous les débordements et tous les excès de ce fou de curé ? Dit Corentin entre ses dents. J'en ai bien peur. Une telle fraternisation était en contradiction avec le discours qu'avait tenu Anicet pour faire libérer Corentin. Il avait alors conseillé à ses frères de ne pas laisser les rênes de la ville dans les seules mains de Rive. Le calme revint enfin après que le président eut repris sa place en chaire. Il tenait à rappeler avec diplomatie qu'il était le maître des lieux. Comme c'est souvent le cas en la circonstance, pour reprendre l'avantage, il pratiqua la surenchère. Mes frères, pour montrer le sérieux de notre serment, je vous propose de passer à l'action. Nous allons raccompagner encore ces frères députés rue des Bernardines. Unissons-nous à eux. De nouveau, des hurrahs fusèrent. Les bancs furent bousculés, des chaises renversées pour se préparer au départ. Anicet se pencha vers Corentin pour être entendu. Quand nous sommes passés devant le café Casati tout à l'heure en venant, nous nous sommes fait siffler par un garçon de café. Guiramant paradait devant chez Guyon. Inutile de te dire que chacun nous y a été de ses insultes. Je crois que si nous n'avions pas dû revenir ici, ça aurait terminé en pugilat. Anicet et Corentin attendirent pour partir dans les derniers. Leurs longues années d'internat chez les sœurs leur avaient fait détester la promiscuité, les déplacements en groupe, tout ce qui, petit à petit, transformait les hommes en moutons de panurge. Déjà, le début de la colonne formée par les membres des deux clubs passait en haut du cours devant le Cercle Guyon et le Café Casati. Les quolibets les plus vulgaires et les plus sanguinaires s'échangeaient déjà entre révolutionnaires et monarchistes. Pour l'instant, le flot continue à descendre le cours en chantant « Ah, ça ira !» mais on évitait l'affrontement physique. On réservait ses ardeurs pour la grande fraternisation chez les vénérables frères antipolitiques, rue des Bernardines. Pendant ce temps, Armande et Manon avaient accepté de rester à la maison. Vers 4 heures, la sœur Sainte-Cécile fit irruption dans l'atelier de Manon. Elle ne portait ni son voile ni son habit, un foulard enserrait ses cheveux. Les traits décomposés, elle faisait peine à voir. Habituellement très pâle, elle était maintenant d'un teint cireux de très mauvais aloi. Tout de suite, sans attendre un seul mot, Manon la fit asseoir et lui mit un verre d'eau dans les mains. « Ma sœur, que vous arrive-t-il? Vous êtes méconnaissable. » « Ah, mon Dieu !» gémit la sœur. « Un grand malheur nous a frappés. Désormais, j'ai remis mon âme dans les mains du Seigneur. Je ne suis plus digne de le servir. J'étais souillé, Manon. Je ne sais plus que faire. En plus, on nous chasse de là où nous sommes, et je ne sais pas où aller. D'ailleurs, je n'ai la force de me rendre nulle part. Que puis-je pour vous, ma sœur? Je suis prête à vous aider par tous les moyens dont je dispose. C'est affreux. Affreux, Manon. Les deux femmes que tu m'avais confiées ont eu une mort affreuse. J'en suis encore toute retournée. Jamais je ne pourrai oublier. Je n'ai même plus de larmes pour les pleurer. Parlez, dites-moi ce qui vous est arrivé, demanda Manon, toute pâle, complètement alarmée par ce que venait de lui révéler la sœur. Nous avions pris la route pour aller à Jouques, négocier notre asile auprès d'une autre communauté mariale. Un peu avant Mérargues, nous avons été attaqués par une bande de brigands étrangers. Voyant qu'ils ne pouvaient rien nous voler d'intéressant, ils entreprirent de nous faire subir les derniers outrages. Forcés de pratiquer, enfin, vous me comprenez, Manon. Madame Morel mordit cruellement l'homme dans ses parties intimes, le saignant comme un porc. Au comble de la fureur, il sortit son coutelas et d'un seul coup lui décolla la tête. Oh mon Dieu! Toute ma vie, je reverrai cette image. Ils s'acharnèrent sur la fille qui hurlait comme une possédée. Tous lui passèrent dessus, et le dernier, disant qu'elle n'était plus bonne à rien, lui déchargea son pistolet en plein visage. « Oh mon Dieu, mais c'est affreux !» s'écria Manon, cachant son visage dans ses mains. Lancée dans sa relation de l'horreur, la sœur poursuivit, se soulageant en confiant ses affres. Puis ce fut mon tour. Mon état ne les arrêta pas, bien au contraire. Mais ils furent moins brutaux qu'avec les autres, et puis... la plupart avaient déjà pris leur plaisir. Est-ce que la croix que je portais m'a sauvé? L'un d'eux m'a dit « Il ne faut pas l'abîmer, celle-là, elle est trop jolie, elle va encore servir. » Alors ils m'emmenèrent avec eux, après m'avoir affublé d'habits de femme horrible. « Oh mon Dieu !» répéta Manon. À Mérargues, ils firent halte dans une auberge et s'enivrèrent à tomber par terre. L'un d'eux m'avait coincé contre un mur, je ne pus me libérer que lorsqu'il s'écroula. Je me précipitai dehors et pris la fuite sur la grande route, espérant que quelqu'un me donnerait la mort, puisque vous savez que Dieu interdit le suicide. Sa miséricorde infinie lui fit placer sur ma route une diligence qui descendait vers Aix. Et me voilà, je n'ai pas osé reparaître rue du Puichot, je n'en suis plus digne. Manon la prit dans ses bras et la berça comme une enfant. Elle éprouvait tellement de tendresse et de peine pour cette femme qu'elle défit son foulard et lui caressa les cheveux en lui parlant doucement. Bientôt, Manon s'aperçut que la sœur s'était endormie, brisée par les émotions et la fatigue. Elle ne pouvait pas faire autrement que de la garder. N'osant bouger, elle se mit à réfléchir à ce qu'étaient devenus le père et le fils Morel. Armande, arrivant une demi-heure plus tard, trouva les deux femmes endormies dans les bras l'une de l'autre. L'atelier commençait à s'assombrir et elle buta dans une chaise dont le bruit fit ouvrir les yeux de Manon. Cette dernière, en murmurant bien bas, raconta les malheurs de la sœur. Armande en eut les larmes aux yeux et convint qu'effectivement, il fallait garder la sœur dans leur giron. Avec 1000 précautions, elles montèrent sœur Sainte-Cécile dans une alcôve du premier étage, où, après s'être à demi réveillée, elle se rendormit profondément. Corentin et Anicet passaient maintenant à hauteur du cercle Guillon. Quelques patriotes chantaient aussi « Ah, ça ira !», ce à quoi les monarchiques répondaient par de solides injures. Corentin remarqua que plusieurs frères étaient armés, certains d'un sabre, d'autres avaient passé deux pistolets dans leur ceinture. Sorti devant le café, l'un des officiers du Lyonnais se mit à crier « Voyez cette canaille comme elle se divertit! Je leur mettrai mon épée dans le ventre! Je vais faire venir 100 soldats du régiment et je les écrase tous !»« Bien, viens me percer le ventre, j'en foutre !» répondit un patriote. Certains officiers sortirent leur épée du fourreau, mais d'autres les incitaient au calme. Soudain, Guiramant parut sur le seuil du cercle et Incontinent tira un coup de pistolet sur les patriotes. Corentin sentit le vent de la balle tandis que son voisin s'écroulait dans un grand cri. Il se mit à crier « Alarme, citoyen !» alors qu'un autre coup de feu étaient tirés du café et un troisième des fenêtres de la salle adjacente. « Aux armes, c'est un coup monté !» hurla Anicet. Aussitôt, les patriotes qui étaient armés déchargèrent leurs pistolets en direction du cercle dont les occupants ripostèrent. « Faut tout les esgorjas !» criaient les patriotes. Une véritable fusillade éclata alors et bientôt plusieurs blessés jonchèrent le sol du cours. Les occupants du cercle se barricadèrent en fermant portes et fenêtres. Fous de rage, les citoyens se mirent à casser les vitres et réussirent à pénétrer dans le café, non sans quelques pertes. Les officiers du Lyonnais pris au piège se frayant un chemin sanglant à coups de sabre et de pistolet. D'autres s'enfuirent par la porte latérale qui donnait dans la rue des Carmes. « Viens, Corentin, allons à la mairie chercher des armes. Ces canailles vont le payer cher. » Devant la mairie, dans la cour, dans les rues alentour, une foule se pressait déjà. Corentin et Anicet joignirent leur voix à tous ceux qui réclamaient justice et vengeance. Émeric David et les conseillers eurent toutes les peines du monde à se faire entendre et délivrer leur message. « Citoyens, citoyennes, nous avons entendu votre juste colère. Mais je vous en conjure, vous ne devez pas faire justice vous-même. Force doit rester à la loi et au droit. Avant toute chose, l'ordre doit revenir dans notre cité. Nous allons prendre des dispositions pour que nous puissions accomplir notre tâche. Nous demandons au commandant de la garde nationale de faire ranger ses troupes en bataille sur le cours. « Oui, oui !» crièrent plus d'une gorge. Dans le même temps, nous sommons par écrit le colonel du régiment du Lyonnais de consigner ses hommes dans les quartiers et de venir nous rejoindre ici. Les portes de la ville vont être fermées pour que personne ne puisse sortir ou entrer dans la cité. Hormis les hommes de garde, tous doivent rentrer chez eux et rester jusqu'à nouvel ordre. Des officiers municipaux vont parcourir la ville pour la surveiller et nous rendre compte de ce qui s'y passe. Soudain, Anicet attrapa Corentin par le bras et le secoua. « Corentin, Corentin, tu saignes ? Tu es blessé, regarde ta main !» Du sang coulait de la manche droite de Corentin et rougissait sa main. Anicet examina le bras de son ami et releva dans le drap de la veste une déchirure franche au-dessus du coude. « Tu as dû recevoir un coup de sabre ou c'est une balle qui t'a fait une estafilade. Il va falloir te soigner. Mais non, ce n'est pas grave, je ne sens presque rien. » Néanmoins, la vue de son propre sang fit flageoler Corentin. Il s'agrippa à Anicet qui le soutint malgré son poids. « Bien, laisse-toi faire, j'ai une idée. » Anicet entraîna Corentin vers le portail de la mairie en se frayant un chemin parmi la foule à grand renfort de cris. « Place, place, j'amène un blessé, laissez-nous passer, c'est une victime de ceux du Lyonnais. » Peu à peu, les deux amis réussirent à entrer dans la cour de la mairie. « Tiens, assieds-toi là, » fit Anicet en désignant le seuil d'entrée de la salle des états généraux. « À droite. » Trois autres blessés, plus gravement que Corentin, gémissaient doucement sur le flanc. Bientôt, le docteur Joannis, conseiller municipal, vint s'occuper d'eux. « Viens, » dit Anicet en faisant lever Corentin, « changeons d'endroit. »« Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin ?» s'énerva Corentin. « Tu ne comprends rien, mon Béou. Ici, nous sommes au cœur de la municipalité. C'est là que toutes les informations arrivent, tous les ordres partent, tout se décide. Nous serons mieux informés que n'importe quel citoyen de la ville. Nous pourrons connaître la suite des événements et savoir ce que nous risquons. Ici, c'est le Saint des Saints. » « Peut-être, mais tu oublies nos femmes. Elles ont dû apprendre ce qui s'est passé. Elles doivent se faire un sang d'encre. » Anicet ne répondit pas à cette remarque. Il comptait trouver une solution maintenant qu'il était dans la place. « Allez, enlève ta veste, qu'on voit un peu cette blessure. » Corentin avait une grosse coupure au bras sans gravité. Il suffisait de désinfecter la plaie et d'y poser un pansement compressif. Il sortit son mouchoir et demanda à Corentin de le mettre sur la plaie en attendant mieux. Puis, il se rendit auprès des gardes nationaux qui interdisaient l'entrée de la mairie. Par chance, il connaissait l'homme, tourneur de son état. Il lui dit qu'il allait chercher de quoi soigner la plaie de son ami, car le docteur Joannis était à court de pansements. Bien évidemment, l'autre n'allait pas vérifier ses dires. « Ne m'oublie pas, citoyen, je reviens tout de suite. Tu me laisseras entrer, n'est-ce pas ?» L'autre acquiesça et le laissa passer. Il venait à peine de partir quand on vint annoncer que le régiment du Lyonnais se préparait à attaquer la ville. Aussitôt, le peuple demanda à battre la générale et le conseil eut beaucoup de mal à calmer les esprits. Émeric David ordonna d'éclairer la ville. Sur ces entrefaites, des patriotes amenèrent 5 officiers du Lyonnais qu'ils avaient fait prisonniers au cercle Guillon. Le peuple réclamait leur tête et tous les ferments de guerre civile étaient déjà semés.